Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Gemozo 107FM. Et ah, vous savez quoi, ça fait du bien de vous retrouver après les vacances et ça fait du bien aussi de vous retrouver pour une émission beaucoup plus ludique que d'habitude cette fois. Et cette fois, n'hésitez pas à appeler au 03 29 62 40 40, mais vous comprendrez très vite pourquoi. Je ne vous annonce pas tout de suite le nom de notre invité. C'est une personne mystère, une personne que vous connaissez à la base très bien, qui va se présenter tout à l'heure. Je pense que je ne vais même pas te laisser dire bonjour tout de suite. Mais avant... Ah oui, c'est ça, un boud. Et avant qu'on découvre qui est notre invité mystère, je vais passer 2-3 petites infos qu'il fallait que je passe... en vitesse vu qu'elle passe cette semaine, donc avant vendredi. Donc avant toute chose, demain mercredi 15 à 19h à la cathédrale de Saint-Dié aura lieu un concert de l'ensemble Moxos. C'est un groupe de Bolivie qui fait de la musique d'après les archives coloniales de Bolivie, et ça s'ancre dans le festival des abbayes de Nature et Jardin qui a lieu du 11 au 25 mai 2018 dans les Vosges. Donc si ça vous intéresse, l'entrée pour le concert, il me semble, de 10 €. Ça, c'est pour mercredi. Et pour jeudi, il y a une projection cinématographique, mais je vais vous laisser l'interview que j'ai fait avec Jules. Donc, on se retrouve juste après cette interview. Désolée, j'ai encore fait une bêtise pour changer. C'est ça, les aléas du direct. Cette fois, c'est bon. On se retrouve avec l'interview. Nous avons une information spéciale annoncée pour un événement, et nous avons avec nous Jules Feutet qui est déjà intervenu plus d'une fois déjà pour parler, je crois, du Monde Insoumis, projet Monde Insoumis, et surtout pour le bureau de poste de Bitola. Et voilà. Jules, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous annonces? Alors, eh bien, j'informe les auditeurs vosgiens d'une projection d'un film documentaire qui a été tourné par le documentariste Gilles Perret, qui est connu pour avoir déjà fait Les Jours Heureux ou La Sociale, qui était un film documentaire sur la sécurité sociale. Et cette fois-ci, donc, il nous présente un film donc qui s'appelle L'Insoumis, et qui est, comme son nom l'indique, concentré sur la personne et la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Voilà. Oui, et donc cette projection, elle aura lieu où et quand? Alors, donc cette projection, c'est ce jeudi, jeudi 17 mai, à 20h au Cinéma Palace d'Épinal. Voilà, donc on conseille toujours d'arriver un petit peu en avance, puisque c'est un événement qui risque de ramener un petit peu de monde. Et donc la projection est à 20h, et à la suite de cette projection est organisé un débat, donc qui sera animé par un journaliste indépendant, Claude Vautrin, et en présence d'une députée France Insoumise, voilà, madame Caroline Fiat, qui est donc députée de la 8e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Et dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi Jean-Luc Mélenchon et pas un autre candidat, vu que c'est un des nombreux candidats à la présidentielle? J'imagine que c'est en lien avec ça. Oui, bien sûr. Il y a une volonté qui est d'abord militante, hein, de la part de Gilles Perret, puisque c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a souffert d'une image de quelqu'un d'assez coriace, d'assez dur, de souvent violent dans ses propos. Je pense qu'il y avait dans cette démarche de faire un documentaire la volonté de faire un petit peu de prendre un petit peu le contre-pied de ces idées-là, et puis aussi de permettre aux gens de se faire une idée du personnage et donc du programme qu'il défendait à cette époque-là, sans passer par les grands médias qui véhiculaient souvent une image assez négative de ce candidat. Et d'ailleurs, dis-moi, on a parlé du sujet, hein, ça sera parlé campagne de Jean-Luc Mélenchon et oui, bien entendu France Insoumise avec le débat qui est suivi, mais l'événement est organisé par qui ? Alors, à la base, c'est donc un militant France Insoumise qui a sollicité en fait le distributeur pour que le film soit diffusé. Et la soirée n'est pas organisée par la France Insoumise, la soirée est organisée par les Cinémas Palace et soutenue par l'association La Boîte à Films. Voilà. Donc il y aura certainement des insoumis dans la salle, mais pas que. Et on invite d'ailleurs tous les autres à venir pour découvrir et puis échanger d'une manière intéressante et constructive. Ah, en effet, on a hâte de cette soirée-là. Et d'ailleurs, dernier détail, l'entrée, à combien s'élève-t-elle ? Alors, c'est les tarifs habituels du cinéma. D'accord, donc pas de surprise pour l'événement. Donc je le rappelle, hein, le jeudi 17 mai à 20h au Ciné Palace à Épinal pour le film documentaire L'Insoumis par Gilles Perret sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Jules, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? Non, si, peut-être que le moment de débat et d'échange ensuite sera aussi l'occasion de parler des mouvements sociaux qui sont actuellement en cours, ceux qu'on a facilement en tête comme les cheminots ou les EHPAD ou les choses comme ça, mais aussi ça sera un moment pour nous de discuter de la suite qu'on va donner à ce qu'on a appelé là tout récemment la fête à Macron, qui va avoir des répliques dans les villes de province. Donc ce sera pour nous l'occasion d'en discuter et de commencer à s'organiser pour ça. Oui, en effet. Écoute, merci beaucoup pour l'information que je suis certaine les auditeurs sont contents d'avoir reçue. Il y aura peut-être moyen de te rencontrer, de passer te faire un coucou jeudi à Épinal pour les auditeurs qui commencent un petit peu à te connaître de nom, j'imagine. Et oui, ce sera le moment, bien entendu, d'échanger sur plein de sujets plus intéressants les uns que les autres. Oui, bien sûr. Et bien, dans ce cas, merci beaucoup, Jules, pour cette information. Merci à toi, Lou. Je t'en prie, et puis bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Jules pour cette intervention. Donc ça c'était pour le ciné débat demain soir à Épinal, mais j'ai pas besoin de rappeler les informations que vous venez d'écouter à l'instant. Mais pour l'émission de ce soir, j'ai quand même un ou une invitée mystère. Alors on va commencer par un portrait chinois, et si un auditeur trouve la réponse avant que je ne dévoile l'identité de la personne qui est en face de moi, vous pouvez toujours, hein, c'est au 03 29 62 40 40, et c'est l'occasion, si vous le voulez, de passer un petit coucou en live à l'émission, à vos proches, à tout ce qui va avec. Mais ça y est, je m'adresse à toi, ça va être pas évident de dire comment tu t'appelles jusqu'au moment où je vais dévoiler ton identité. Alors dis-moi, si tu étais un animal, qu'est-ce que ce serait ? Je crois que l'animal va correspondre à l'émission, puisque ça serait un loup. Je dis pourquoi ? Vas-y, je t'en prie. J'aime bien déjà l'idée de meute, mais également le loup solitaire et le garou, pas le chanteur. Hein. En effet, le loup-garou. Dis-moi. Ces transformations. En effet. Si tu étais un plat, qu'est-ce que ce serait ? Je vais rester dans le classique. des moules frites. Je suis pas belge pourtant. Non, en effet. Et dis-moi, si tu étais une époque de l'humanité en fait, qu'est-ce que ce serait ? J'aimerais bien être là au commencement. Pourquoi pas être Adam ? Adam, oui, bah oui. Et puis tu pourras aussi nous dire qui est le premier de l'œuf ou de la poule, vu que ça c'est une question qu'on se pose encore et toujours. Si tu étais une saison, qu'est-ce que ce serait ? L'été, maintenant. Enfin non, on n'y est pas encore. Mais... Oui, non, on n'y est pas encore. Mais le soleil. Si tu étais un pays ? Le nôtre, la France pour sa diversité. Si tu étais une œuvre d'art ? Et c'est là qu'on va voir mes faiblesses culturelles, mais je vais rester dans la Belgique, je ne sais pas pourquoi, le Manneken-Pis. Ah oui, le Manneken-Pis, en effet, donc cette statue très connue. D'ailleurs, est-ce que ça t'intéresse l'anecdote autour de la statue, si tu ne la connais pas ? Tout à fait, parce que je ne la connais pas. Alors figure-toi, je ne sais plus du tout de quand ça date, mais peut-être que tu ne le sais pas plus que moi. Mais je sais qu'un jour, le petit prince avait disparu, le petit prince de Belgique. Et tout le monde le cherchait partout. Et il s'était dit qu'on ferait une statue du prince dans la position dans laquelle on le trouverait. Ok. Je pense que tu as compris. Ouais. C'est comme ça qu'est né le Manneken-Pis que tout le monde connaît. On sait comment on a trouvé le petit prince de Belgique. Mais c'est vrai que c'est une anecdote que je trouve assez rigolote. Donc je ferais d'une pierre deux coups si j'étais une œuvre d'art, parce que c'en est une hein, pour moi. Je serais le petit prince. Également, puisque oui, c'est inspiré de lui. En livre, vu que tu me devances, tu me devances, ça y est, je vais y arriver. Donc tu serais le petit prince. Si tu étais un film. Ah, bonne question. Ça, c'est, on dit ça quand on a envie de prendre le temps de réfléchir. Je pense que je serais un film fantastique déjà, puisque j'ai beaucoup de souvenirs liés au festival de Gérardmer. Je pense que ça serait Scream. Parce que quand on l'a vu, alors maintenant forcément, hein, ça fait partie de l'histoire du cinéma et du film de genre, mais à l'époque, on a pris une claque avec les copains, c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, c'est quoi ce film-là Donc c'était un film qui était aussi précurseur d'autres, Scream, ça me plaît bien, ça me va bien. C'est une bonne référence, hein, aussi un pilier du cinéma. Si tu étais un morceau de musique. Alors, je pense que tous ceux qui écoutent auraient la même difficulté de répondre, puisqu'on a tous beaucoup de morceaux qui nous ont marqués dans la vie. Moi, actuellement, je suis fou d'un groupe qui s'appelle Feu Chatterton. Et il y a un morceau qui s'appelle L'ivresse, qui peut aussi correspondre peut-être à ce qu'est la vie. L'ivresse, c'est un morceau qu'on va peut-être s'écouter juste avant de dévoiler ton identité. Mais deux dernières questions. Déjà, une question un petit peu à part. À Noël, tu es plus déco en gui ou en ou ? Je suis pas du tout... Enfin, je suis Noël pour la famille, mais... J'ai quand même du mal avec tout ce qui est fête religieuse. Moi, je ne fais pas personnellement. Après, bien sûr, les repas de famille, c'est pour se retrouver. Mais sinon, le reste, donc, je suis ni l'un ni l'autre. Et dernière question, si tu étais une station de radio ? Ah ben, je serais Gémozo. En effet, tu serais Radio Gémozo. Il va être bientôt l'heure de se passer une première pause musicale et tu as parlé du morceau L'ivresse de Feu Chatterton. Est-ce que ça te dirait qu'on le passe ? Mais tout à fait. Alors on s'écoute ce morceau et si un auditeur a trouvé la réponse, appelez-nous au 03 29 62 40 40 ou réagissez en live sur la page Facebook de la radio. En attendant, c'est un morceau que tu as suggéré, L'ivresse de Feu Chatterton. On s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Que mes pensées naissent. petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, mais où est-ce que t'iras? L'heure est avancée. Ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans la glace, dis-moi qui es-tu? Dis-lui. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, barre-toi. Et votre mon bout de, ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur empesé. Cette nuit, dans cette nuit-là où vous m'avez eu, ouais. Le rouge à ma honte s'y est beaucoup mieux à mon verre de vin que drapeau français. Tous les amirals, ça dégénère au. Moi, non, faut pas cadencer. Entre mes doigts ruisselle une idée de vengeance. Ça te caresse démangeant mes paumes, je serre les poings. Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans cet alcool d'agave, dis-moi qui es-tu, oh, dis-lui. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis raide. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis raide. Et ma hargne se dilue dans un océan de qui es-tu. Et ma hargne se dilue dans ce liquide. Toi que je vois, dis-moi qui es-tu. Rien de grave doc, ce n'est que moi et mes turpitudes. Ça y est voilà, ça y est voilà. Comme un baiser sur mes lèvres frileuses, mon cœur refusé. Et votre mot vous deux, ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur refusé. Cette nuit où vous m'avez eu. Cette nuit là où vous m'avez eu. C'était l'ivresse de Feu Chatterton, un morceau que notre invité mystère a proposé. Et comme promis, il va être l'heure de dévoiler l'identité de la personne qui se trouve juste en face de moi, que seul moi peux voir en ce moment. Oui, je pense que c'est le moment de le dire. Ça n'a pas été tellement préparé la manière de vous l'annoncer, mais il s'agit d'un animateur que vous connaissez très bien, que vous aimez beaucoup, et même que vous aviez l'habitude d'écouter à cette heure-là, vu qu'il s'agit de Mika. Bonsoir et bienvenue Mika dans l'heure des loups. Merci Lou, bonsoir tout le monde. Ça fait un petit peu de bizarre de se retrouver, d'inverser les rôles. Mais ça me plaît. Ah oui, bah c'est plutôt marrant. Hein. Il y a 2 ans, c'était moi qui me trouvais à ta place. Et maintenant, on est dans l'autre sens. Cette fois, c'est moi l'animatrice, c'est moi qui suis aux commandes et c'est moi qui suis là aussi pour te présenter, faire un petit peu le bilan de ton parcours. Et pour nos auditeurs aussi, hein, j'ai un petit jeu à vous proposer. Mika et moi, on s'est lancé un défi. On s'est fait toute une liste de mots plus incongrus les uns que les autres à placer. Et vous les auditeurs, si vous arrivez à déceler un mot, dites-le nous sur Facebook ou passez-nous un petit coup de fil, envoyez-nous un mail pour dire que ah, peut-être que ce mot-là, il était dans le jeu entre Mika et Lou. D'ailleurs, j'espère que ça donnera lieu à des discussions plutôt rigolotes et complètement loufoques. Voilà, je pense que c'est même une première. En tout cas, c'est une première pour moi et pour toi, Mika. De manière devant tout le monde, c'est-à-dire en le disant, oui, sinon c'est vrai que c'est un jeu dont je pense vous avez déjà entendu parler en télévision, en radio, ça se fait souvent avec l'entourage qui donne des petits mots à glisser dans les émissions. Oui, mais là, pour une fois, on fait participer. C'est une battle. Oui, c'est une battle. Celui qui en place le plus a gagné. On ne sait pas encore. Tu mènes. Pour le moment, ouais, je mène déjà le jeu. À vous de deviner quel est le mot ou quels sont les mots que j'ai déjà placés. Et n'hésitez pas encore une fois à nous dire quels sont les mots que vous pensez qu'il fallait qu'on place. Alors, Mika, avant toute chose, tu as été animateur ici, hein, ça fait un moment que tu fais de la radio et je pense que ce serait peut-être bien de revenir un petit peu sur ton parcours parce que c'est vrai que durant toutes ces années, tu as présenté bon nombre de personnes, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a pris le temps de te présenter toi. Non, et d'autant plus que les peu de fois où on me l'a proposé, j'ai refusé parce que ce n'était pas un exercice dans lequel je me sentais à l'aise. Et là, j'ai accepté notamment pour te rendre l'appareil, puisque comme tu le disais, il y a 2 ans, tu as gentiment accepté de venir dans ce que j'appelais l'émission de secours, c'est-à-dire que on fait du direct, hein, comme toi, tous les jours. Et puis, lorsqu'un invité nous pose un lapin, ça arrive, c'est rare hein, quand même, on essaye de faire pour que ça n'arrive pas, notamment des SMS de rappel pour dire que c'est bien aujourd'hui, etc. Mais quand, malgré tout, l'invité ne vient pas, il faut pouvoir sortir sa botte secrète. Et il y a 2 ans, c'était toi, puisque tu avais enregistré cette émission et j'ai pu la passer à un moment. Ça m'a bien servi. Alors maintenant, je me dis, là, c'est pas une émission de secours, hein, puisqu'on l'a fait en direct. C'est un petit peu un secours, vu que j'avais un invité qui a eu un imprévu, un impératif familial, ce qu'on comprend entièrement. C'est pour ça que tu as proposé, en fait. On s'est contacté en même temps, en se disant, tiens, ça pourrait être le moment de faire cette émission avec toi, cette émission de secours. J'espère que ça donnera quelque chose de plutôt rigolo, mais on est déjà à 20 minutes de passer de l'émission, on ne voit pas le temps passer avec toi. Et j'ai pas placé un mot, un mot de la liste des 20. Tu veux que je raconte comment ça a commencé pour moi en ce qui concerne la radio ? Oui, s'il te plaît. C'était pas ici, c'était du côté d'une commune qui, je crois, t'habite, tu la connais bien. Oui, en effet. Le Tio. Radio des Ballons, que vous connaissez peut-être vous aussi qui écoutez, puisque d'ailleurs on peut l'écouter dans le secteur maintenant. Elle avait un studio à Dommartin et ça va être le cas à Miremont, donc on peut l'écouter dans le coin. Et donc c'était malheureusement, j'ai envie de dire, un contrat aidé, comme ça a toujours été le cas, hein, puisque dans nos radios associatives locales, les contrats ne peuvent pas être pérennes ou alors très rarement. Et donc contrat aidé, c'était il y a 15 ans. J'y suis resté un an, donc c'était très court. Et puis après, il y a eu quelques années avant que j'aie connaissance d'une action qui était d'ailleurs proposée par une association d'accompagnement professionnel qui s'appelle le CAGIP et qui était en partenariat avec Radio Guémozo pour proposer une émission qui s'appelait 60 minutes pour le dire, qui recevait des personnes. On était un petit groupe de 5-6 et on se retrouvait avec un animateur et on préparait des chroniques. Et moi, j'avais commencé à faire une chronique de musique indépendante et puis aussi des micro-trottoirs. Et suite à ça, ça a été la révélation pour moi parce qu'au Tio, je n'avais pas vraiment fait de l'animation pure. Et là, c'était... c'était quelque chose dans lequel je me sentais bien. Et puis cette action, ce qu'on appelait action collective, a été reprise ensuite par une association que tu as reçu le directeur il y a peu, c'est Agassi. Oui, en effet, on passe d'ailleurs un bonjour à l'association Agassi qui fait toujours du très bon travail, hein, toujours avec le marché, donc petit marché de producteurs locaux. Mais là, pour le moment, hein, la personne qu'il faut mettre en lumière ce soir, c'est toi, donc je te laisse à nouveau la parole. À l'époque, on avait donc cette émission qui aujourd'hui n'existe plus en partenariat avec Agassi, mais c'est ce que vous entendez un mercredi sur deux qui s'appelle Boomerang, 90 minutes pour Boomerang. Est-ce, c'est la suite de ces émissions qui avant étaient en partenariat avec des associations. Et donc c'est chouette aussi de voir comment d'une émission collective dans une action a pu prendre son autonomie. Et moi, ben, grâce à cette émission collective, j'ai pu avoir un premier contrat aidé ici. C'était il y a quasi 10 ans, et une émission quotidienne du temps de midi. Et depuis, ben, j'ai enchaîné des émissions, donc contrat plus contrat et bénévolat entre chaque. Et sinon, il y a eu des actions qui ont été menées. Je pense qu'on en parlera aussi, si tu le veux bien, des actions qui me sont chères, puisque la radio, on a toujours l'impression qu'il n'y a que des émissions, des interviews, mais ça peut être utilisé autrement. Ça peut être, par exemple, des fictions radiophoniques. On avait créé cela, bah, toujours un peu avec la même troupe de personnes qui faisaient l'émission, qui d'ailleurs s'est appelée Trait d'Union, hein, après 60 minutes pour le dire. Et on se retrouvait tous ensemble, et puis on, sur un thème de départ, alors j'animais un petit peu, parce qu'il faut quand même toujours quelqu'un qui fasse bah, le lien, le Trait d'Union justement, et puis qui permette à tous ensuite bah, de prendre les idées et d'en faire quelque chose de fini, puisque les idées de manière disparate ne peuvent pas exister en tant que telles. Il faut après qu'il y ait quelqu'un qui mette tout ensemble, et donc c'est ce que je faisais. Et on a d'abord créé, c'était un conte qui s'appelait la fête foraine. Ensuite, j'ai eu la chance d'être pris comme intervenant à Agassi, pour pendant quelques heures, hein, par semaine, pour créer un feuilleton de 5 épisodes où à chaque fois il y avait même pas qu'un thème, il y avait plusieurs thèmes. C'était les participants qui de par leurs expériences de vie choisissaient les thèmes qu'ils voulaient aborder, et ensuite on en faisait quelque chose de qui était une fiction, mais qui avait quand même de la réalité, de par des expériences. Et beaucoup de thèmes étaient chers à leurs yeux. Hein. Il y avait la recherche d'emploi, les critères de beauté, le modernisme, l'isolement. Il y avait l'importance de retrouver la nature, et beaucoup, beaucoup d'autres thèmes. Je me les souviens. Enfin, il y en a beaucoup dont je me souviens plus, puisque c'est vrai que c'était il y a quand même 8 ans. Et dans tout ça, je pense qu'on écoutera un épisode, puisque je te l'avais demandé. Si jamais il y a un coup de fil, vas-y Lou, décroche, profite-en. Bah vas-y, je t'en prie, ouais, je vais écouter ce que l'auditeur a à dire. Pendant ce temps, je continue à papoter. Par rapport à ce feuilleton qui s'appelait Les Indiscrétions de Monsieur Hublot, ce qui est vraiment chouette, c'est que le nom Monsieur Hublot vous dit peut-être quelque chose, mais... puisque ça a été un film d'animation, Monsieur Hublot, qui est sorti en 2013 et qui a eu un Oscar, alors que c'est un film d'animation français, l'Oscar du meilleur film d'animation en 2014, Monsieur Hublot. Mais nous, quand on a créé ce feuilleton radiophonique, ça n'existait pas, puisque c'était en 2010. Hein. Et c'est toujours rigolo, après coup, de voir si maintenant on vous dit... Ça s'appelait Les Indiscrétions de Monsieur Hublot. Vous allez me dire, mais oui, vous avez repompé le personnage, mais non. Eh non, c'était nous en premier. c'est rigolo, en tout cas, ça m'a fait marrer de voir qu'après, il y avait un personnage qui portait ce nom-là. Et oui, pardon. Non, rien du tout. Juste... Est-ce qu'on écoute l'épisode ? Eh bien, écoute, pourquoi pas, et on en parlera juste après. Très bien, donc c'est le premier épisode des Indiscrétions de Monsieur Hublot, comme ça vous avez au moins le début de l'histoire. On s'écoute ça, et on se retrouve juste après, encore en train de faire des bêtises, on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. « Radio Guémozo et l'association Gassi vous proposent le premier épisode de leur feuilleton Les Indiscrétions de Monsieur Hublot. Bonjour, je m'appelle Harold Hublot. J'ai voyagé à travers le monde et je me suis arrêté dans votre pays depuis quelque temps. J'ai pris beaucoup de notes, mais surtout j'ai, comme à mon habitude, caché des micros et des caméras un peu partout pour voir et entendre ce que normalement personne ne doit savoir. Une sorte d'espion, mieux diriez-vous. Oui, sans doute. Mais je ne suis à la solde de personne. Je suis juste quelqu'un qui souhaite comprendre et vous faire découvrir des choses. Aujourd'hui, voici l'enregistrement que j'aimerais vous faire entendre. Pour vous le situer, cela se passe dans un jardin où se trouve Michel, un homme qui, comme tous les jours, de belle saison, entretient un de ses biens les plus précieux, son potager. Celui-ci se trouve tout près de l'appartement de son voisin, Antoine, sur lequel il a une vue imprenable. Antoine ! J'ai beau crier et lui faire des signes, il ne me voit pas. Encore dans son bureau, le nez devant son ordinateur. Je crois bien qu'il n'a pas été dehors de la journée. Mais c'est pas possible ! Quelle lenteur cet ordinateur ! Un vrai fainéant ! Dépêche-toi d'ouvrir ma boîte mail ! Je l'entends depuis ici. Il part même à son ordinateur maintenant. Super ! J'ai eu un message de Christelle. Voyons voir ce qu'elle me raconte. Hey, salut Antoine ! J'ai trouvé un tout nouveau jeu. Il est génial. Voici le lien pour y jouer. Tu vas t'éclater. Allez, à plus ! Excellent ! Qu'est-ce que c'est que ce nouveau jeu ? Oh, super ! Une chasse au trésor dans un jardin avec plein de légumes mutants. Classe, les graphismes ! D'abord, je dois choisir mon personnage. Voyons voir le premier. Je suis la générale Tomate, toujours à cheval sur mon couteau volant. Toute molle, c'est moi qui suis la plus rapide. Moi, c'est Vico, le roi de la pomme de terre. Je ne ferai qu'une purée de mes adversaires. On m'appelle Harry Cole. J'ai des petits pieds, mais je cours vite, très très vite. Je suis Frisouille, la saladiante, la plus grosse dévoreuse de lapins et éclateuse de limastioux. Je vais sélectionner Frisouille. Allez, c'est parti. Wouh ! Allez, hop là, hop. J'ai avalé deux lapins directs. Yes ! J'ai dégommé les patates siamoises. Allez. Ah non ! La souris est bloquée. Mais quel ordinateur pourri ! Et voilà, j'ai perdu la partie. Mais qu'il est mal poli, il ne peut pas me laisser me reposer un peu ? Ah, ce n'est pas tous les jours facile d'être un ordinateur. J'espère qu'il va comprendre que j'ai besoin de souffler. Je suis fatiguée. J'arrête l'enregistrement quelques instants pour vous expliquer. Vous ne le soupçonniez pas. Eh oui, les ordinateurs ont également une conscience. Et c'est grâce à un micro spécial que j'ai inséré dans celui-ci que j'ai recueilli ses pensées. Allez, reprenons. Ah bravo, quel tas de ferraille! Il faut que je le redémarre maintenant. Eh non, il n'a rien compris et il continue à m'insulter en plus. Dommage qu'il n'y ait pas de syndicat pour les ordinateurs, sinon je serais syndiquée depuis longtemps. Tiens, je vais mettre mon casque pour être encore plus dans le jeu. Ah ça y est, monsieur a bien voulu redémarrer. Il n'a même pas compris que j'étais une dame. Voilà, enfin je peux reprendre une nouvelle partie. Hop les lapins, petit, et boum! Ah, je les ai dégommés. Splatch ! J'écrabouille l'escargot. Vite ! Oh, c'est quoi ça ? Ouh là là ! Et bang ! J'explose de gros choux. Il y a plein de petites fleurs qui sortent. Ouais ! Je les ai eus, celui-là. Et c'est pour qui le bonus chou-fleur, hein ? Ça y est. C'est le face-à-face avec le jardinier zombie. Pendant ce temps, Michel avait quitté son jardin et s'était rapproché de la fenêtre du bureau d'Antoine pour pouvoir lui parler. Eh oh ! Antoine ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais vu un jardinier comme ça. C'est un vrai mariole. Il arrache les carottes à la place des mauvaises herbes. Et je vais lui montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai jardin et un vrai jardinier. Antoine! Il ne m'entend pas avec son casque sur ses oreilles. Hé, prends garde à toi, monsieur le jardinier zombie. T'as beau tout déterrer, je vais te révouer le trésor avant toi. Ah non, ça bug encore. Juste au moment où j'allais trouver le premier trésor. C'est pas possible. C'est pas possible, il est drôle, lui. On voit que ce n'est pas lui, l'ordinateur. Ça fait des mois et des mois qu'il me fait marcher sans arrêt. Il m'en demande toujours plus. Alors moi, je dis stop, j'arrête. Il ne prend même pas soin de moi. Me nettoyer un peu les touches, un petit coup sur mon écran me ferait du bien, mais rien. Ah, que je serais bien en exposition dans un magasin. Je pourrais être relax avec mes copains. Il ne peut pas me laisser un peu tranquille pendant que je refroidisse. J'ai trop chaud. Eh bien, s'il ne comprend pas par lui-même, je vais lui faire comprendre. Oh non ! Voilà qu'il s'arrête carrément. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah ! Bonjour Antoine. Ah bonjour, j'ai eu peur, je ne vous avais pas vu. Ça fait quelques minutes que je t'appelle, mais tu n'entendais pas. Attendez, je vous rejoins dehors. Oh, il fait grand soleil, c'est agréable avec cette petite bise. Oui, il fait comme ça depuis ce matin. Ah, c'est vrai, je ne suis pas encore sorti aujourd'hui. Je travaillais sur mon ordinateur, mais il s'est arrêté. Je ne voulais pas jouer les voyeurs. Mais tu n'entendais pas. Je me suis approché, j'ai vu tes salades géantes et ton jardinier qui arrache tous les légumes. Ça fait peur, dis donc. Oui, c'est un nouveau jeu. Ben, c'est justement pour parler jardin que je voulais te voir. Vous vouliez jouer aussi ? Malheureusement, mon ordi... Non, je veux parler de vrai jardin. Je veux te proposer de partager mon jardin avec toi. Comme il est grand, cette partie-là serait pour toi, tu vois ? C'est gentil, mais je n'y connais rien en jardinage. Je te montrerai. Tiens, je t'ai amené quelques tomates. Bah merci, j'en ai déjà. Je les ai achetées hier au supermarché. Au supermarché ? Ce n'est pas comparable. Va en chercher une que tu as achetée. Tiens, voilà. Goûte-la. Je connais son goût. C'est toujours celle-là que je prends. Parce que tu la trouves qu'elle a un goût. Eh bien maintenant, goûte celle qui vient de mon jardin. Oh, je veux bien vous faire plaisir. J'y vais goûter, mais je vois pas pourquoi ça serait différent. Une tomate, ça reste une tomate. Goûte. Ah ouais, c'est surprenant. Elle a plus de goût. Elle est plus juteuse. Tu vois ? Tu as mangé quoi ce midi ? J'ai grignoté devant mon ordi. Il me restait du hamburger et des frites d'hier soir, quand je suis allé chez McCannard. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas dû manger beaucoup. Et ce n'est pas très équilibré. Allez, viens. Je t'invite chez moi. Oh non, non, merci. Je n'ai pas très... Allez, ne te fais pas prier. Au menu, que du naturel. Les légumes du jardin et les fruits du verger. Ah, remarquez, j'avais pas fait attention quand j'étais sur l'ordi. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, je sens que j'ai faim. C'est ainsi qu'Antoine a eu son propre jardin et que grâce à Michel... Il a appris à cultiver et apprécier les légumes qu'il y faisait pousser. En ce qui concerne son ordinateur, celui-ci étant beaucoup moins sollicité, il ne buguait plus que très rarement. Quant à moi, les micros et les caméras que j'ai semées m'ont permis de récolter ces quelques informations que je vous dévoilerai demain. C'était le premier épisode des aventures, des indiscrétions, pardon, de Monsieur Hublot. Vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous pouvez, comme d'habitude, réagir à l'émission en nous écrivant sur notre page Facebook Radio Guémouzo ou en nous passant un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. C'est même pas un extrait, c'est l'épisode entier que vous venez d'écouter à l'instant. C'est une série, qui est une petite série radio. radiophonique qui a été fait avec l'invité du jour, en effet, Mika. Mika, d'ailleurs, tu nous as un petit peu parlé de ton parcours. Tu passes quand même d'une association à une autre et tu fais différents projets. Ça fait que tu as des capacités où tu es plutôt volatile, vu que tu passes quand même assez aisément d'une chose à une autre et tu es sur beaucoup de troncs et c'est toujours le cas aujourd'hui encore. Et on est là pour continuer à parler de toi, parler de ton parcours. Et d'ailleurs, dis-moi, il me semble que les indiscrétions de Monsieur Hublot, c'est plein de perles, plein d'anecdotes. Alors, tu sais quoi, ces perles, tu vas nous les raconter. On en fera un bracelet d'anecdotes qu'on sera très heureux de connaître, nous, auditeurs. Alors, Mika, on t'écoute. Concernant le feuilleton, j'ai pas tellement d'anecdotes. Les anecdotes, c'est plus sur les émissions durant ces 12 années à Radio Game Ozone, hein, même si je n'y étais pas tout le temps. Pour ce que vous venez d'entendre, ce feuilleton, j'ai juste envie de dire une pensée émue pour deux personnes qu'on entend et qui ne sont plus. Et Dédé, qu'on l'appelait Dédé, hein, c'est André Touvenot qui joue le rôle de Monsieur Hublot, Harold, qu'on entend, hein, ce que vous pouvez imaginer comme narrateur. Et puis il y a aussi Michel le jardinier qui était joué par Pascal Rochotte. Donc c'était aussi le fait de passer ça ce soir, c'était aussi leur rendre hommage, puisque cette série, comme tu disais, ou feuilleton de 5 épisodes, a quand même vu l'activité d'une vingtaine de personnes. C'était pas rien, hein, ça impliquait pas mal de monde. Et c'était chouette de se retrouver comme ça, tous ensemble, pour un même but. Puis aussi pour les fictions radiophoniques, hein, l'année suivante, il y a eu un troisième, et c'était le dernier. C'était en 2011, c'était cette fois un conte musical qui s'appelle La Chansonnite, et qui était l'histoire d'un bègue qui... j'ai dit trop, hein, c'est terrible. Et c'est pas un mot à placer, ça, dans la battle entre nous et moi. Et non. Je me fais d'ailleurs complètement plumer. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que si vous dites qu'il y a peut-être un mot que Mika m'a demandé de placer, ou moi que j'ai demandé à Mika de placer un mot en particulier, vous pouvez nous le dire sans hésitation. On verra si vous trouvez les mots qu'on arrive à placer, sinon on est vraiment doués, hein. C'était donc un mec qui... t'as vu, moi, là je le faisais, là. En plus c'est moi qui jouais le rôle, qui... quand il chantait, n'avait plus de soucis, et qui partait à la recherche d'un remède. C'était assez alambiqué, et c'était chanté. Et nous qui ne sommes pas chanteurs, c'était plutôt marrant. En tout cas, peut-être que vous vous en souvenez, c'était il y a 7 ans. Et en ce qui concerne les anecdotes pour les émissions, tu veux savoir un petit peu des choses qui me sont arrivées ici? Peut-être que toi, tu en vis aussi au quotidien. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des moments un peu bizarres pour toi. Pour le moment, ça va, je suis assez chanceuse, mais je te rappelle que ça ne fait pas très longtemps que je suis ici. Hein. Ça fait 2 ans que je connais Radio Game Ozone et ça fait que 3 mois, je crois, que je suis là. Donc, j'ai pas encore vu le prisme de tout ce qu'offre la vie en tant qu'animateur radiophonique. Mais c'est vrai que je sais, hein, toi, depuis le temps que tu es là, depuis le temps que tu en fais de la radio et tu m'en as déjà raconté, tu as de sacrées anecdotes. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux en raconter quelques-unes ? Déjà, je vais raconter celle qui met en scène des invités plutôt célèbres. Hein. On a quand même quelques personnes assez connues dans le coin. D'ailleurs, il y en a même qui viennent, qui sont venus ici et qui ne sont pas vosgiens. Par exemple, j'ai été heureux, je crois que mon fait d'armes, c'est d'avoir accueilli ici Olivier Besancenot, qui a été 2 fois candidat au présidentiel, hein, le membre du nouveau parti anticapitaliste, et qui était peut-être, vous en souvenez-vous, en meeting à Gérardmer, c'était un peu plus de 2 ans, ben, un tout petit peu avant que tu arrives à Radio Game aux Zoulou. Oui. Et grâce à Eric de Franou, hein, qui a de nombreux engagements solidaires, antiracistes, et puis aussi politiques, et il fait partie du NPA Vosges, et grâce à lui, j'avais pu accueillir ici Olivier Besancenot. Sinon, dans notamment les champions sportifs, un qui brille actuellement, et qui s'appelle... Julian Alaphilippe, ça vous dit peut-être quelque chose, hein, c'est un coureur cycliste, et c'est pas un baroudeur à la Thomas Voeckler, hein, c'est quelqu'un qui est un puncher, qu'on reverra peut-être, certainement d'ailleurs sur les routes du Tour de France, il a gagné la Flèche Wallonne, et Julian Alaphilippe, ce qui est marrant, c'est que quand il est venu ici, il y a 6 ans, il n'était pas du tout connu, il n'était même pas professionnel, il était... amateur et dans l'équipe de l'armée de terre. Et il est venu parce qu'il y avait le cyclocross de Saint-Étienne les Remiremont, hein, organisé par l'espoir cycliste stéphanois. Et moi, je m'attendais, j'avais demandé à Steve Chenel et son papa, ça serait, et Christophe Thomas qui était président à l'époque, ça serait bien d'avoir Jeune Gadret qui est... Alors, qui était un grand coureur cycliste professionnel, qui a fini 3e au Tour d'Italie, le Giro, qui est d'ailleurs actuellement. Donc j'avais dit, comme je savais qu'il participait au cyclocross ici, j'avais dit, faites-le venir. Et je vois arriver Steve et ce jeune homme, que je ne connaissais pas du tout, Julian Alaphilippe, d'ailleurs personne ne le connaissait, et je vois pas de Jeune Gadret, donc j'étais dégoûté. Et quelques années après, je vois ce gars-là, Julian, qui, d'année en année, réussit de super performances. On parlait de la course qu'il a gagnée, là, la Flèche Wallonne, et puis aussi 4e aux Jeux Olympiques. S'il n'y avait pas eu de chute, peut-être qu'il serait médaillé. Donc c'est marrant de se dire qu'on accueille des personnes, ça sera peut-être ton cas, Lou, qui ne sont pas du tout connues, et qu'on va voir ensuite évoluer, et peut-être suivre petit à petit. On n'a pas encore eu ? Non, pas encore, mais c'est vrai que je vois, tu as reçu beaucoup, beaucoup de personnes connues et beaucoup de personnes plus différentes les unes que les autres. Hein. T'es aussi en tant qu'animateur radio, tu as un vrai carrefour d'informations et de personnages. Donc c'est bien d'éviter aussi le carambolage entre tout ça. Et c'est pas tous les jours facile de jongler avec tous ces invités. Mais tu as, d'ailleurs je pense que c'est bien de le rappeler parce que tu as animé pendant plusieurs années l'émission Le Portrait, qui est l'émission qui avait sa place ici en ce moment, et après c'est toujours le même principe. Et en ce moment tu as une nouveauté entre guillemets, une émission qui est toute jeune par rapport au Portrait. Il s'agit d'un comment dire, encore une fois, d'une interview longue avec des pauses musicales, mais plus thématique. En effet, tu parles d'artistes, si je ne me trompe pas, dans ton émission hors format. C'est un petit peu un mix, un kaléidoscope d'artistes. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça, très cher Lou. en ce qui concerne cette émission hors format, elle existait déjà il y a 10 ans. Hein, c'est, au tout début... j'ai créé cette émission et le but c'était de faire venir des gens et surtout ne pas les laisser partir s'ils avaient encore des choses à dire, et, parce que c'est ça parfois qui est dommage, hein, dans un cadre bien précis on se dit 1 heure, alors ça peut paraître long pour certains, mais des fois il y a tellement à dire que ça peut ne pas suffire. Et l'idée d'hors format, c'était ça, c'est que ça soit hors format et que ça dure ce que ça devait durer. Et si c'était plusieurs heures, c'est ce qui se passait. C'est encore le cas aujourd'hui. Et maintenant, avec en plus, faire se rencontrer les gens. C'est ça qui est génial, c'est qu'on fait venir, par exemple, je parle de moi à 3e personne. Je fais venir un samedi sur deux, 2 artistes, et puis souvent ils ne se connaissent pas, et ça permet aussi qu'ils échangent durant l'émission, en plus de répondre à mes questions, donc c'est plutôt sympa, et parfois ça leur arrive même de taper le bœuf, hein, comme on dit, d'improviser ensemble, de s'amuser comme ça, et c'est toujours des moments assez joyeux et spontané. Oui, en effet, je le rappelle aussi que ton émission, qui à la base, hein, dans le cadre, est censée faire environ 1h30, c'est arrivé au moins une fois, si ce n'est pas plus, qu'elle dure au moins 3h. Parce qu'après tout, c'est une contrainte aussi quand on est en direct ou en radio, quand on fait venir des invités très intéressants qui ont beaucoup de choses à se dire. Essayer de retenir, de rassembler toutes ces informations en 1 heure. C'est l'impossible, c'est une tâche même donquichotesque après tout, vu que le temps nous file entre les doigts. Mais tu as trouvé la parade avec Hors Format et j'imagine que tu te sens bien dedans. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler aux auditeurs à quel moment se trouve ton émission. Le samedi, je crois que maintenant ce sont les semaines impaires. Ça avait commencé semaine paire, mais il y a eu une fois où j'ai fait deux émissions de suite. Un samedi sur deux, semaine impaire, à 14h. Et puis comme tu le disais, hein, on ne sait pas, on sait quand ça débute, mais on ne sait pas quand ça se finit. Donc 14h, et puis après ça dépend selon les invités. Oui, en effet, quand tu accueilles tes invités, vu que tu m'as dit tu fais rencontrer des artistes, j'imagine que c'est pas toujours évident de choisir, de trouver les personnes qui sauraient se rencontrer, être compatibles. Et parfois, tu dois les confronter, soupeser un petit peu les capacités des uns et des autres pour créer des rencontres uniques et enrichissantes. Ah, c'est ça qui est assez jouissif pour moi, hein, c'est que en amont, quand je prépare, je vois certaines qualités et certains points communs qui pourraient être sympas de mettre ensemble chez différentes personnes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est amusant à faire. Et je le fais avec grand plaisir. Oui, en effet, mais de toute façon, ça se sent, ça se voit. Après tout, je le rappelle aux auditeurs, ça fait 15 ans que tu fais de la radio. Tu as commencé à Radio des Ballons, au TIO, et après, les choses ont fait que petit à petit, tu atterris ici en tant que, si j'ai bien compris, d'abord en tant que bénévole, en tant que chroniqueur, et puis après, tu as gravi les échelons d'une certaine manière. Tu es devenu animateur, tu es devenu salarié ici. Et même si à l'heure actuelle, tu n'es plus salarié, parce que ce sont les choses de la vie qui font que tu es toujours là, tu as tes émissions, tu es toujours présent. D'ailleurs, il me semble que pour beaucoup de monde dans le secteur, tu es Monsieur Radio Gemozo. Je pense que c'est bien que tu l'entendes si tu ne le savais pas déjà, mais il me semble que les auditeurs ici te connaissent, t'apprécient pour le travail que tu fais. Et est-ce que tu as une autre anecdote dans une émission que tu as envie de mettre en avant et qui a peut-être touché beaucoup de monde, toi y compris? J'en ai plein. Touchante, pas vraiment, mais cocasse, oui. Puisque par exemple, je me suis retrouvé à faire une émission sur le centre, le camp de naturisme de Dévillers. Je ne sais pas si vous le saviez, hein, mais il y a un camp naturiste qui se situe pas loin d'Épinal, à Dévillers. Et j'avais vu un article dans Vosges Matin, et je me suis dit ça serait bien de leur donner la parole, puisqu'avant ça, je n'avais pas du tout connaissance de ce genre de camp ici. Et quand j'ai appelé le monsieur, hein, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était le directeur, il s'est montré très méfiant. Il m'a beaucoup questionné avant d'accepter ma demande de participer à l'émission. Il avait peur que mes questions soient malsaines. Il m'a fait comprendre que le naturisme, c'était pas un club échangiste, et que c'était pas aussi une affaire de films pornographiques. C'était être en accord avec la nature et voilà, être bien nu dans la nature. Donc c'est ce qui se passe à Dévillers. J'ai fait cette émission par téléphone, hein. Il n'avait pas pu ou pas souhaité venir. Je me suis abstenu d'y aller moi avec seulement le petit enregistreur. Donc c'était plutôt sympa et c'est vrai que ben oui, ça permet. Ça permet de faire connaissance avec des activités dont on n'entend pas ou peut parler ici. Oui, et ça permet aussi d'ouvrir un petit peu les horizons, vu qu'après tout, travailler en radio, et ça je m'en rends bien compte, on rencontre différentes personnes qui vivent différemment, qui ont d'autres objectifs, et ça nous permet aussi d'ouvrir, comme je viens de le dire, nos horizons vers d'autres choses, et ça permet aussi de faire plein de rencontres, hein, c'est quelque chose de très enrichissant, et j'aimerais bien te demander, mais j'imagine qu'il n'y a pas trop de réponses à par tes rencontres les plus enrichissantes. Mais dans les rencontres, ouais, c'est difficile hein, parce que ben tu t'en rends compte aussi chaque jour. On rencontre des gens passionnés et c'est ça le point commun de tous ceux qui viennent, hein, toutes thématiques confondues, c'est la passion et c'est beau de voir ça et de se rendre compte que, ben, contrairement à ce qu'on voit dans les grands médias, toujours le côté négatif, et ben, non, localement, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'envie de faire des choses, malgré des fois des contextes qui ne sont pas évidents. Et donc c'est difficile de retirer, enfin de juste citer une ou plusieurs personnes. Et puis les rencontres, elles sont aussi, elles ne sont pas que par les invités, elles sont aussi entre nous, les animateurs. Je pense à plein d'animateurs qui sont passés par là. Quand je suis arrivé, il y avait par exemple Yaya, et j'ai une grosse pensée, hein, puisque c'est le moment pour lui qui est, je pense encore, hein, même si je le vois plus, il est du côté de Nancy, végétarien et qui m'a fait découvrir le tofu lacto-fermenté. On avait fait un super repas ici et il nous a fait découvrir ses spécialités culinaires végétariennes. Et c'était vraiment sympa. Et puis, un que tu as connu aussi, Lou, Geoffrey. Ah bah oui, Geoffrey de 12h avant minuit. Et oui, et Joe, on m'avait préparé, peut-être que vous l'aviez entendu, vous qui écoutez cette émission, Lou et moi, on s'était déguisés, on avait rien dit, et lui, pour sa dernière, avait invité un peu tous les collègues à participer. Il y avait Marcus, c'était Gilou, oui, qui était venu également, et puis toi et moi, on est arrivés à... Alors que l'émission était commencée, déguisée, toi t'étais, je crois, en chaperon rouge. Ouais, une espèce de chaperon rouge avec un maquillage un peu style des années 20. Et moi j'étais en femme, avec jolie robe, maquillage. Malheureusement, je n'avais pas de corset à tissu bayadère, mais j'étais quand même... Moi, je me suis trouvé plutôt joli, je dois le dire. Ça y est, j'ai les cheveux qui enflent, mais c'était un bon souvenir. Et là, encore une fois, hein, pensée pour Joe et ses bons moments. Et c'est ça, pour répondre à ta question, les belles rencontres, certes, sont dans les invités, mais aussi dans l'équipe, dans les gens qui passent parfois quelques mois, parfois plusieurs années... ici à Radio Gemozo et qui font ce qu'est cette radio depuis 27 ans, puisqu'elle est née en 81. Oui, en effet. J'ai envie juste de revenir rapidement, vu que c'est aussi un bon souvenir pour moi, la dernière de Joe. Tu dis que tu avais une robe, que tu étais maquillée, mais je pense que tu n'as pas dit que tu avais une perruque ce jour-là. Ça faisait quoi d'être un peu échevelée ? Ah ben... J'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux. Non, j'en ai eu, hein. Et c'est plutôt marrant, hein, d'être en femme et surtout de voir comment ça peut troubler les autres. Geoffrey s'attendait pas à ça. Je me rappelle que quand on est entré dans le studio, il était vraiment... il avait les yeux exorbités. Oui, il avait complètement bugué. Ouais, c'était ça. Et tu sais, aussi dans les anecdotes... Il y a du positif, mais moi je retiens aussi, quand tu me parlais de rencontres et de ceux qui sont venus, est-ce qu'il y avait des invités qui m'ont marqué plus que d'autres, moi malheureusement je vois toujours le verre à moitié vide et je vois plutôt les invités manqués. J'aurais par exemple voulu recevoir Alison Arngrim. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Lou. Strictement rien. C'est celle qui jouait Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Elle était venue à Vanier présenter son spectacle. Et il y avait d'ailleurs deux spectacles, un one-woman show, et c'était bien sûr sur la Petite Maison dans la Prairie. Donc ouais, c'est une déception, parce que je pense que ça aurait été plutôt sympa de l'avoir dans les studios, d'autant plus qu'elle parle parfaitement le français. Et puis Julien Absalon, hein, qui a mis un terme à sa carrière. Et autant j'ai reçu quelques cyclistes connus. On a parlé tout à l'heure de Steve Chenel, hein, c'est le local de l'étape. Mais aussi Julien Alaphilippe, Jean-Patrick Nazon, qui est encore le dernier Français à avoir gagné l'étape des Champs-Élysées sur le Tour de France, qui avait été aussi maillot jaune. Donc c'est voilà, des cyclistes réputés. Mais Julien, j'ai jamais réussi à le faire venir en émission, et c'est aussi une déception. Oui, c'est quelque chose de bien dommage, mais j'imagine que tu auras d'autres occasions de recevoir tes invités. Oui, oui, je vois, tu regardes l'heure, malheureusement. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais d'ailleurs, dis-moi, ça ne tenterait pas de remettre un petit peu le couvert avec tous ces mots à caser? C'est quand même marrant. C'est marrant, mais je me suis pris une plumée, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais en total jet lag, mais ouais, je crois que tu faudra faire les comptes, hein, à l'arrivée. Mais oui, tu as dû me plumer. Je crois que c'est le moment de rentrer chacun dans ses pénates. Oui, en effet, parce que je suis une Amazone de la radio. Et puis moi, je vais rentrer dans ma maison troglodyte. J'adore ça, sur le flanc de ma montagne, dans la roche. Enfin bref, et avant qu'on se dise au revoir, comme d'habitude, on fait le programme de la soirée. Donc la prochaine émission, c'est quand? C'est à 20h, c'est La Parole est à vous, avec Michel, qui reçoit ce soir Monsieur le maire de Remiremont, donc Jean Ingret. Pour ceux que ça intéresse, bien entendu, écoutez, il y a certainement beaucoup de choses intéressantes à écouter. Et à 22h, il y a J'ai aimé, je vous le lis, avec Dominique. On se retrouve demain 7h, 8h pour la rediffusion de cette émission, qui est d'ailleurs disponible en podcast sur le site Radio Gémozo ou sur la page Facebook. On se retrouvera juste après la rediffusion de l'émission de ce soir avec les clés du succès d'Amadou et la matinale de Marion. Ensuite, la prochaine émission, c'est demain, hein, 18h, 19h comme d'habitude. On va surtout faire l'annonce d'un concert, et oui, encore un, le 16 mai, c'est demain, mais demain on va annoncer le concert ce week-end à la Souris Verte de No One Is Innocent, et puis la journée continuera tout simplement son cours. C'était un plaisir de faire cette émission avec toi, Mika, hein. Si vous, les auditeurs, ça vous amuserait de savoir quels sont les mots qu'on s'est mis au défi de placer à l'antenne, je vous laisse libre de nous le dire sur la page Facebook, ce serait avec plaisir. Et puis merci beaucoup, Mika, d'avoir répondu présent, d'avoir vraiment... d'avoir répondu au pied levé pour être là ici alors que tu aurais pu être au Brésil. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Je souhaite une bonne soirée aux auditeurs qui nous ont écoutés tout du long. Et puis, on se retrouve demain, même heure, sur Radio Gémozo. Au revoir.